La radiodiffusion télévision française présente une émission publique du Club d'essai, Lectures à une voix, une production de Michel Polac. Aujourd'hui, au Théâtre Marigny, lecture de Numance, de Cervantes, par Jean-Louis Barrault. Avec le concours à la batterie de Jacques Delécluse, à la trompette de Guy Carrière et du guitariste Yana Rondolotto. Arrangement musical de Pierre Boulez. Numance est à la fois un souvenir qui date de 17 ans et un projet. Après 17 ans, eh bien, on va voir ce que c'est devenu. C'est un spectacle et la lecture de Numance est un petit peu particulière parce qu'il y a pas mal de mimes et pas mal de mouvements de foule que, évidemment, je suis obligé de rendre schématique à cause de la lecture et à cause de la radio. Alors, Numance. L'action se passe en 133 avant Jésus-Christ, soit devant les remparts de Numance, soit à l'intérieur de la ville. Les personnages principaux sont dans le camp des assaillants romains, Scipion, Jugurtha, Caius Marius, Quintus Fabius, etc., et du côté de la ville de Numance, Théogène, leur chef, Corabino, Marquino, Morandro, Léonce, Lyra, fiancée de Morandro, Servio, Viriato, et puis le cœur du peuple, les hommes, les femmes, les enfants, des sacrificateurs, etc., etc. Il y a des personnages surnaturels, il y a le personnage de l'Espagne, le fleuve Duero, il y a des esprits, il y a un corps mort. Puis, il y a la fureur, la rage, la guerre, la maladie, la famine et la mort. Et finalement, la renommée. Tous ces personnages sont masqués. Alors, avertissement. Les trois coups. Et le rideau se lève devant les murs de Numance. Numance est fermée, il y a un mur comme cela et un mur en diagonale qui pivotera. Quand il pivote, on ouvre la ville et quand le pivot revient de ce côté-là, la ville est fermée et on est dehors, hors la ville, dans la campagne aride. C'est en ce moment hors la ville. L'atmosphère est paisible, vibrante de soleil. Hors la ville, quelques Numantins sont hors les murs. Et vaquent à leurs occupations, bergers, cultivateurs, etc. Et tout à coup, on entend un sifflement de flèche. Puis un galop de cheval. Apparaît à cheval un messager numantin. Et il accourt. L'homme et la bête sont absolument essoufflés et écumés. L'homme se bloque devant les murs. Hop ! Et Romain ! Tour sur la scène, sur les quatre pleins cardinaux. Les Romains ! Les Romains ! Les Romains ! Et il s'en va, et il part derrière les murs. Et à ce moment-là, les rumeurs de la ville commencent à monter. On voit quelques têtes qui passent le mur, qui se replient. Et alors on entend la marche de l'armée de Scipion qui commence à venir au loin, n'est-ce pas ? Cette marche menaçante. Le cavalier a disparu, n'est-ce pas ? Et pendant ce temps-là, il y a un vieillard qui court et qui se réfugie. Il y a un homme et une femme, etc. Et tout à coup, le mur de Numance s'ouvre. Avec toute la foule de Numance, qui est tout le peuple qui est là. Deuxième flèche. Tac ! Et c'est l'intérieur de la ville. Sur la place, la ville représente une sorte de place où il y a un praticable, un pont, des marches qui prépare une sorte de circuit par lequel on peut passer, n'est-ce pas ? Et au centre de la place, les Numantins ont poussé l'emblème de la ville qui est ce bucrane-là. Les Numantins sont montés sur le mur et observent, pétrifiés. Et alors, tout d'un coup, 5 sifflements de flèches, là. Pang, pang, pang, pang, pang. Hein? Alors, l'arrivée lente et irrévocable des armées romaines, on entend ça. Immobilité de certains, ils sont atterrés. Ceux qui ne sont pas accrochés au mur tendent l'oreille. Le reste de la circulation est lente dans la ville. On commence à entendre le glas. Un homme machinalement commence à chanter, on le fait taire. Soudain, l'enfant crie de frayeur et il se sauve. Les Romains, les Romains, les Romains. Commencement d'affolement et tout à coup, hop, un Numantin tombe, il a une flèche l'a atteinte. La marche se rapproche. Le Théogène, leur chef qui est examiné sur le pont, commence à rassembler ces gens. Il donne un ordre mimé. Le peuple de Numance, tout d'un coup, se précipite sur le mur, sur le socle, et il se replie et ferme les machins. Au moment où les murs vont se refermer définitivement, une femme et son enfant blottis dans ses jupes s'enfuient vers la ville. Ils entrent, deux hommes en courant, puis un enfant est arraché. Les murs se viennent là, et tout d'un coup, on entend l'entrée des armées romaines. Le mur, était le marche atteint alors son maximum d'intensité, n'est-ce pas? Alors, le mur est en train de se replier, et l'enfant, un petit enfant, regarde curieux, tout d'un coup un bras le prend, et hop, on le retire, et le mur se ferme définitivement, la ville est désormais fermée. Alors à ce moment-là, c'est l'entrée des armées de Scipion. Entrée des armées de Scipion, le tout c'est de faire ça avec peu de soldats et donner l'impression du nombre, c'était une marche comme ça. Pam, pam, pam, pam, pam. Alors, les soldats, l'armée vient. Il y a Scipion, Jugurtha, toute l'armée. Ils se développent sur hors la ville, évidemment, ils posent en camp. Hip, hip, hip, hip, hip, hip. Et tous les soldats sont là. Scipion monte sur une sorte de rocher qu'il adopte comme socle. Jugurtha et Caius Marius sont à ses côtés. Ordre. La troupe défile devant lui, très parade militaire provocante et intimidante. Commandement de Caius Marius. Immobilité générale. Silence absolu dans les rangs et sur terre. À l'exception des pas lents. Les chefs conduits par Scipion inspectent les formations. Scipion a un certain raffinement. Il regarde le raffinement de la tenue. Scipion et Jugurtha sortent. Appel de Caius Marius pour le rapport. Hip, hip. Mouvement de la foule, de l'armée, qui se groupe. Et une lecture du rapport en fin tragique. On place les sentinelles à chaque coin de la ville. Hip, hip, hip. Et les soldats... commencent à être un peu libres dans leur rein, ils commencent à poser leur lance, etc. Il y a une chose de désordre là et de détente. Et la nuit commence à venir, première extinction des feux. Alors les soldats se détendent, commencent à se coucher au ralenti. Ils se couchent, deuxième extinction des feux. Les soldats commencent à dormir, la nuit est complètement venue. Le sommeil est à la voix visuelle et audible. Et pendant ce temps-là, de l'autre côté, une sentinelle numantine apparaît au coin du haut mur. Puis, quelqu'un commence à rêver. La sentinelle romaine arpente la Seine le long du mur. Troisième extinction des feux. Les deux sentinelles sont face à face, immobiles, et se regardent. Le groupe des soldats, gonflement de gros insectes, le groupe des soldats, immobilité. Maintenant, si le silence, peut-être quelques grillons, on n'en sait rien, mais cette espèce de nuit claire qu'il y a en Espagne. Un soldat parle en rêvant. Et de derrière le mur de Numance s'élève le bruit égrené d'une guitare timide. Elle s'approche. Elle vient près de la sentinelle numantine. Celle-ci se laisse doucement entraîner par l'air et se met à chanter. Et derrière les murs, on entend le sirène qui lance ses appels à travers la rue. Et le chant et la guitare meurent tout doucement. Silence. La sentinelle romaine se remet à marcher, gémissement des dormeurs, et tout à coup, avec une lanterne, Caius Marius fait sa ronde. Immobilité des soldats couchés, Caius Marius finit sa ronde et sort. Dès qu'il est sorti, un soldat se lève et appelle secrètement les autres qui se lèvent. Deux soldats se mettent à jouer au dé et les autres s'éloignent pour aller dans quelques bastringues louches. Et il y a des rires et musique de danse espagnole assez vulgaire commence. Apparaissent au fond deux prostituées masquées et les soldats commencent à les lutiner, danse grossière avec les soldats, rire, des soupirs étouffés, des gestes évocateurs. C'est une espèce de grossièreté de cette vie qu'il y a quand tous les instincts animaux sont réveillés par la vie militaire. Alors on commence à roter, à pisser, dispute entre les soldats, des bagarres, et la musique diminue, s'éloigne. Là, on quitte la rixe et tout s'éteint, tandis que les soldats reviennent en titubant, s'affalant sur le sol. Tout ce jeu est étouffé, laid et dégradant. Puis le silence revient, les sentinelles sont de nouveau face à face, l'aube a apparu, les deux sentinelles disent ensemble: un an, deux ans, trois ans, cinq ans. Le Numantin dit: toujours. Le Romain dit: aujourd'hui. Et c'est le sonnerie de réveil, et plein feu, c'est le jour. Les soldats se lèvent et se livrent à des travaux divers, quelques-uns assez pâteux du reste. Les soldats s'éloignent les uns après les autres, etc. C'est l'appel, n'est-ce pas, du réveil du matin, et la scène se vide peu à peu entre Scipion et Jugurtha, des cris au loin, évidemment, « Vive Scipion ! Vive Scipion ! Vive notre chef !» Et tandis qu'on voit le mur de Numance qui s'ouvre un tantinet, et deux Numantins qui se glissent avec précaution hors des murs, ils vont parler par là, ils refichent par là pour faire le tour, ils essayent de faire une mission secrète. Scipion et Jugurtha sont seuls, c'est une vraie scène, une scène de confidence, ils se promènent machinalement tels qu'ils sont et Scipion est sombre. Scipion, quelle difficile et pénible mission m'impose le Sénat. J'en suis à la fois accablé et découragé. Cette guerre, à la fois trop cruelle et tellement étrange, elle a coûté la vie à trop de Romains. Qui n'hésitera à la poursuivre et qui ne craindrait de la recommencer? Jugurtha, mais qui, Scipion? Celui qui possède ton bonheur et ton courage? Tu as cela? La victoire et le triomphe te sont assurés dans cette guerre. Scipion, la bravoure guidée par la prudence abaisse les plus hautes montagnes, tandis que la force brutale d'une main insensée fait naître des aspérités sur la surface la plus polie. Mais j'ai à réprimer pour le moment les emportements de l'armée, qui, oublieuse de sa gloire et de ses trophées, se laisse enivrer par ses passions lascives. Mon seul vœu, mon désir, c'est de ramener nos soldats à une autre conduite. En corrigeant d'abord les fautes de mes amis, je soumettrai plus vite mes ennemis. Caius Marius, Seigneur, porte à la connaissance de tous nos soldats qu'ils aient à se réunir ici sans retard. Je désire leur parler. Va ! J'obéis. Ils savent, Scipion. Il est bon qu'ils connaissent mes nouveaux projets et leurs anciens devoirs, Jugurtha. Je peux te dire, Seigneur, qu'il n'y a pas un de nos soldats qui ne te craigne en même temps qu'il t'aime. Ta valeur se répand aux deux bouts du monde. Chacun d'eux, quand la trompette l'appellera, cherchera à se surpasser pour te servir. Il faut d'abord réprimer les passions néfastes qui les ont envahis. S'ils ne renoncent pas, notre gloire et notre renommée est perdue. Si cet incendie se propage, si ce malheur n'est pas circonscrit, il peut à lui seul nous amener une guerre plus terrible que nos ennemis. Et on entend un appel des troupes. Et notre général ordonne que tous les soldats se rendent en armes immédiatement sur la grande place, sous peine d'être rayés des cadres. Hop. Pas de gymnastique. Et alors tous les gens commencent à rentrer, pendant que Jugurtha dit à Scipion, Je t'approuve, Seigneur. Il faut gouverner les troupes avec un joug de fer et tenir la bride serrée aux soldats qui s'écartent du droit chemin. La force de l'armée diminue quand elle ne s'appuie plus sur la justice, quand bien même cette armée serait formée en bataillon portant 1000 bannières colorées. Tous les soldats arrivent, prends le banc de l'armée. On apporte un socle à Scipion, un siège et... Et on s'arrête net, on déroule solennellement un tapis. Les soldats sont en groupe, intimidés. Des ordres sont lancés, immobilité générale, c'est la cérémonie. On apporte à Scipion solennellement son épée. Il la met, Scipion monte sur le socle, prend une pause, regarde intimidant ses soldats. Les soldats ne bronchent pas. Les lieutenants sont autour de lui. Scipion. À votre fière attitude, à votre tenue martiale, je vous reconnais, amis, pour des Romains. Pour des Romains, dis-je, forts et courageux. Mais, avec vos mains blanches et délicates, avec vos visages au teint fleuri, vous paraissez nés en Bretagne et engendrés de pères flamands. Votre négligence habituelle, votre apathie pour ce qui vous touche de trop près, relève vos ennemis abattus et diminue vos forces et votre réputation. Les murs de cette cité, demeurés jusqu'aujourd'hui comme un roc inébranlable, sont témoins de vos vains efforts, qui n'ont de Romains que le nom. Rougissez en voyant à notre honte un si petit nombre d'Espagnols défendre ce nid de nuances. Vous devez triompher de vous-même, oui, vous. La débauche et ses caprices vous ont vaincu. Seriez-vous encore capable de tendre les mains vers vos armes ? Allez, et soyez honteux de voir ce faible peuple espagnol se défendre contre la puissance romaine et nous offenser d'autant plus qu'il serait facile à abattre. Je veux en tout cas que les infâmes entremetteuses, cause de tout le mal, sortent du camp. Pour boire, un seul verre suffit. Que ces lits pleins de concubines soient mis en pièces, qu'on fabrique des lits de branchage et qu'on les pose sur la terre. Ne croyez pas que cet ordre soit dur ni trop sévère. Vous apprendrez plus tard que là était votre intérêt. Malgré tout cela, vous avez encore ma confiance. Vous serez montré, j'en suis sûr, que vous êtes encore les dignes fils de Rome. Je m'inquiète peu de ces murailles défendues par les rebelles et barbares espagnols. Aussi je vous promets, je vous jure, que si vos mains égalent votre courage, les miennes s'ouvriront pour vous récompenser. Comme ma bouche, pour célébrer vos louanges. Silence de mort. Caius Marius prend l'initiative de parler. Illustre général, si tu as regardé attentivement tes soldats, tu dois voir que la honte les accable. Ils rougissent de se voir réduits par leur faute à une si triste condition que tu sois obligé de les réprimander. Et ils ne trouvent rien à dire pour se disculper. Mais moi qui les connais, je vais te répondre en leur nom. Le moindre d'entre eux, je le sais, met à ton service son bien et sa vie et son honneur. Seigneur, accepte cette offre que témoigne de leurs bonnes intentions. Pense qu'ils sont Romains, qu'ils le savent, et que leur courage n'a jamais failli. Et fonçant sur l'un d'eux, et vous, soldats, levez les mains en signe que vous approuvez ce que j'ai dit. Alors un soldat dans un excès de zèle, tous, nous confirmons tes paroles, sous serment. Et alors tous, oui, oui, nous jurons. Ils gueulent en point un désordre indescriptible, ils se mettent à danser, lancent leur lance en l'air, etc., comme des gamins sauvages, Jugurtha et Caius Marius, les calmes très paternels, très pères du régiment. Scipion, dès que le vent n'emporte pas vos promesses, que vos lots, votre lance les confirme, et moi, je tiendrai les miennes. Il va pour sortir. Une sentinelle romaine, tenumentin, seigneur, viennent vers toi en ambassade. Scipion est stoppé net. Pourquoi ne sont-ils pas déjà ici? Qui les retient? Le soldat. Ils attendent une autorisation. Mais s'ils sont ambassadeurs, ils l'ont. Introduis-les. Nouveau préparatif, vite. On prépare le sceptre, etc. Et il remonte sur son socle. Et tout en dans ses préparatifs, il dit qu'un ennemi est un cœur sincère ou faux. Cela est toujours utile. Jamais la duplicité ne se cache assez bien sous le masque de la vérité pour ne pas se trahir par quelque endroit, par quelque porte où sa méchanceté se découvre. Écouter un ennemi est une chose qui profite toujours avant qu'il ne vous nuise. L'expérience de la guerre démontre que ce que je dis est science certaine. Quelques mots lancés Au dehors, les Dumontins sont introduits, murmurent dans l'armée. Scipion reprend sa pose et le premier ambassadeur Dumontin est là, assez intimidé, mais toutefois encore espagnol. Premier ambassadeur. Monseigneur, si tu nous donnes licence d'exposer le sujet de notre mission ici et en ta seule présence, nous t'apprendrons pourquoi nous sommes venus. Mouvement de recul de la troupe, Scipion très démagogique dit « Parlez, je donne audience partout et à tous !» L'armée revient avec gratitude. Le premier ambassadeur continue. Après cette assurance de ta royale grandeur, je commence à m'acquitter de ma mission. Numance, dont je suis citoyen illustre général, m'envoie vers toi comme vers le plus brave guerrier romain que cache la nuit et qu'éclairent les rayons du jour. Pour te demander une main amie et de mettre un terme à la guerre cruelle qui depuis tant d'années cause nos maux et les tiens. Elle atteste que jamais elle n'aurait violé les lois et les privilèges du Sénat romain si l'intolérable tyrannie et les injustices de tant de consuls ne l'y avaient contrainte. Leur dur statut et leur avarice ont fait peser sur nos consciences un tel joug que force nous a été de nous séparer de lui et d'eux. Pendant tout le temps qu'a duré cette lutte, nous n'avons pas trouvé de général pour traiter avec lui. Mais aujourd'hui, que le destin a conduit notre vaisseau à si bon port, nous replions les voiles de la guerre et nous demandons un traité. Sourire de Scipion. Le Numantin se rebiffe un peu. Ne crois pas que ce soit la crainte qui nous porte à solliciter la paix. Une longue expérience avait connaître le courage des Numantins. Ta vertu, ta valeur, c'est ce qui nous attache et ce qui nous prouve que notre plus cher désir doit être de t'avoir pour seigneur et pour ami. Voilà pourquoi nous sommes venus. Réponds-nous, seigneur, ce qui te plaira. Scipion. Votre repentir est tardif. Votre amitié ne suffit pas à me satisfaire. Armez-vous de nouveau. Je suis désireux de voir ce que peut encore mon épée, d'où le destin a fait jaillir ma gloire et causer vos malheurs. Après tant d'offenses, c'est une trop faible récompense, selon nous, que la paix. Continuez la guerre, renouvelez vos torts, que les vaillants exploits se produisent de nouveau. Le premier ambassadeur allait se révolter, le deuxième le retient et part. Ce peu de confiance que tu nous témoignes traîne après soi 1000 erreurs. Ouvre les yeux, Seigneur. Cette arrogance nous rendra plus forts. Et puisque tu nous refuses la paix que nous te demandons, le ciel protégera notre cause. Avant que d'une foule le sol de Numance, tu sauras jusqu'où peut aller l'indignation d'un ennemi qui aurait souhaité devenir ton ami, digne, reconnu et fidèle. Scipion. La vaine louange n'est pas le signe des cœurs forts. N'avez-vous plus rien à dire ? Et le premier ambassadeur s'avance lentement vers lui. Non. Mais nous avons désormais à agir, puisque tu l'as voulu. Il lui crache à la figure. Laissez-les partir, qu'ils s'en aillent ! Parce que tout le monde se revêt sur eux. Et les deux ambassadeurs s'en vont, Jugurtha en les poursuivant de les insultes. Notre faiblesse passée vous fait parler de la sorte, mais le temps est venu, vous verrez notre gloire et votre destruction. Rire de l'armée, etc., etc. Scipion calme Jugurtha en dit « Tempère tes menaces, Jugurtha, et garde le silence. Tu montreras ton courage dans la bataille. » Quoique je pense agir de façon à ce que le Numantin ne puisse jamais en venir aux mains avec nous. Il faut le vaincre par un moyen qui tourne mieux à notre avantage. Je veux rabaisser son audace et retourner sa propre fureur sur lui-même. Nous allons entourer leur ville d'un large fossé et les réduire par la faim. Signe, on rassemble les soldats. Mes amis, le sang romain ne doit plus arroser cette terre. Celui qui a été versé dans cette trop longue et trop cruelle guerre suffit. Que vos mains s'exercent dès ce jour à creuser la terre et couvrez-vous de poussière au lieu de sang. Approbation des soldats. Tout le monde doit travailler à cette œuvre, quel que soit son rang, le décurion comme le soldat. Moi-même, je saisirai le fer pesant et je romprai le sein de la terre. Imitez-moi et vous verrez que mon œuvre satisfait à tout. Ah, de tout le monde. Caius Marius saute sur un rocher et dit « Valeureux seigneur, mon frère, tu montres bien ici ta sagesse. Il eût été téméraire de combattre des fous déchaînés. Mieux vaut les enfermer, comme tu l'as dit, et couper leur courage dès la racine. La ville peut en effet être ceinturée. Il ne lui restera plus que la partie où elle est baignée par le fleuve. » Scipion, accomplissons ce projet nouveau et que le ciel nous seconde. L'Espagne va recevoir enfin les lois du Sénat romain dès que nous aurons dompté l'orgueil de ses habitants. Une pelle, Jugurtha ! Jugurtha part chercher la pelle. Cérémonie. On amène le symbole de la pelle. Scipion le prend. On pose les sentinelles et les soldats tout autour des murs de Numance. Et Scipion fait le geste de retirer de la terre. Et à ce moment-là, c'est le signal pour tous les soldats de miner les pelles pour qu'ils font un fossé pour encercler la ville de Numance. Et il s'éloigne. Et ils disparaissent. Et le décor et la scène restent nus. Tandis que tout à coup, on entend une sorte de guitare triste qui s'égrène lentement. Et entre une femme en noir, portant sur sa tête une couronne surmontée de tours, et dans la main un château. C'est l'Espagne. Elle arrive. Ciel resplendissant et infini, toi qui enrichis mon sol et l'élèves au-dessus des autres pays, que mon amère tristesse excite ta compassion. Et puisque tu consoles les affligés, viens à mon aide dans cette extrémité. Je suis la malheureuse Espagne. Qu'il te suffise d'avoir autrefois brûlé mes membres vigoureux, d'avoir en fouillant mes entrailles découvert au soleil le sombre royaume des damnés, d'avoir donné mes richesses à 1000 tyrans. Mes royaumes ont été la proie des Phéniciens et des Grecs, parce que tu l'as voulu, ou sans doute parce que je l'avais mérité par mes fautes. Mais serais-je donc toujours l'esclave des nations étrangères? Pourrais-je un moment voir flotter mes bannières dans un air libre? La seule Numance a fait luire au jour son épée, et au prix de son sang, elle a maintenu sa liberté première. Mais hélas, je vois le terme accompli, la dernière heure est arrivée, où doit finir sa vie, mais non sa renommée. Mes tristes Numantins les voilà resserrés dans leurs murs, ne pouvant agir, ils demandent à grands cris la bataille ou la mort. Puisque le côté où le doux héros baigne la ville est le seul qui protège le Numantin enfermé, avant que l'ennemi ne construise quelque machine ou quelque tour sur ses eaux, je supplie le fleuve ami d'apporter quelque secours à mon peuple. Et on voit entrer le doux héros doucement. Gentil doux héros, dont les ondes sinueuses arrosent une grande partie de mon sein, toi qui roules dans tes flots des parcelles d'or comme l'aimable Tage, et qui prêtes tes eaux claires aux nymphes fugitives qui habitent tes prés verts et tes bosquets, ouvre une oreille attentive à mes plaintes. Si tu ne m'aides pas, tout chemin est fermé au salut du peuple numantin. Et le fleuve doux héros avance, la mimique du fleuve doux héros est comme ça. Il avance et il est suivi peut-être par trois jeunes êtres qui sont ces trois rivières. Le doux héros. Chère Espagne, ma mère, il y a longtemps que tes plaintes ont frappé mon oreille, et si je ne suis pas venu, c'est que je ne peux rien pour toi. Le jour fatal, signalé par les étoiles, s'approche pour Numance. Il n'est aucun moyen de remédier à ces douleurs. J'ai mêlé à mes ondes celles d'Orvion, de Menuesa et de Terra, et je les ai accrues de telle manière qu'elles débordent de leur lit. Mais je vois que sans craindre la rapidité de mon cours, et comme si j'étais un ruisseau, les Romains tentent d'établir des tours et des ouvrages de guerre sur mes flots. Mais puisque le destin a marqué le dernier jour pour ton peuple bien-aimé, qu'il reçoive une consolation dans son malheur. Les ombres de l'oubli ne pourront obscurcir le soleil de sa renommée qui vivra éternellement. Je vois, venant des pays éloignés, des peuples qui s'établiront sur ton doux sol, ils auront à leur tour et selon ton désir poser leur joug sur le front des Romains. Ce seront les Goths qui, laissant l'univers rempli de leur nom, viendront s'abriter dans ton sein pour enfanter de nouveaux exploits. La main du fier Attila dans les peuples futurs vengera tes affronts, imposant ses lois une fois encore à ce cruel peuple romain. Et ouvrant une brèche dans le Vatican, tes braves enfants feront fuir le grand pilote de la nef sacrée. Et quand le monde aura reconnu le Créateur du ciel et de la terre, celui qui l'aura établi pour vice-roi de l'univers donnera à tes fils le nom de catholique, succession digne des Goths valeureux. Celui qui lèvera le plus haut son épée pour ta gloire, aux acclamations de tous, et qui donnera le plus grand lustre au nom espagnol, sera un souverain maître du monde. On l'appellera Philippe II, et il sera sans second. Sous son heureux empire, pour le bien de tous et pour ton repos, seront réunis tes royaumes jusqu'ici divisés. Le drapeau lusitanien taillé jadis dans le manteau de l'illustre Castille sera recousu et rendu à son ancien état. Quelle envie et quelle terreur, Espagne aimée, tu inspireras alors aux nations étrangères. Que ce soit une consolation pour toi, puisque rien ne peut changer la destinée de Numance. Il repart doucement. L'Espagne, lustre Duero, tes paroles ont allégé mes peines, car je suis sûr que ta prophétie ne me trompera pas. Duero s'en allant, Espagne, tu peux être rassurée, quoique ces jours soient éloignés encore. Adieu, car mes nymphes m'attendent. Que le ciel augmente tes eaux savoureuses. Et ils s'en vont chacun de leur côté, et au moment où l'Espagne va pour sortir, un petit enfant entre, regarde cette grande dame, elle se penche vers lui, va pour lui donner une caresse, lui tendre la main, et il s'en va de son côté, et elle du sien. Tandis que l'Espagne s'éloigne, la sentinelle numantine est reparue, et reviennent au loin les cris des Romains qui terminent le fossé. À ces cris se superposent les murmures de la foule numantine et les efforts que font les Numantins pour pousser leurs murs. Et les murs de Numance, sous la pression d'efforts, s'ouvrent. Lentement, avec précaution, et le bucrane revient à sa place. La foule a envahi la scène. Nous sommes à l'intérieur de Numance. Certains Numantins sont accrochés au mur près de la sentinelle. D'autres courent affolés. Des enfants gémissent et pleurent. Des femmes se lamentent. Le reste fait le bruit d'une foule dans la rue. Sur le pont se tient Théogène. Quelques notables attendent leur chef sur un praticable qui symbolise la salle du conseil. La bouffée des efforts romains remonte. Cri de victoire, acclamation, le fossé est terminé. Chez les Numantins, alors affolement, cris, circulation diverse, rassemblement. Théogène quitte le pont et se rend sur la salle du conseil. Et il arrive sur la salle du conseil, l'éclairage évidemment changera un peu, et c'est la salle du conseil qui devient en importance, et le reste de la foule est un petit peu dans le sombre. Les têtes dans leurs mains, les membres du conseil tournent en rond, on entend les cris de la foule au dehors. Dès qu'ils parlent, les bruits de la foule s'estompent, il y a un jeu entre les bruits de la foule extérieure et l'intérieur du conseil, n'est-ce pas ? Théogène est là avec ses les notables. Chef valeureux, nous sommes sous l'influence d'une fatale destinée. Nous perdons nos forces et notre habileté. Tout bruit. Les Romains nous tiennent bloqués et nous détruisent avec une lâche adresse. Nous ne pouvons nous venger en mourant au combat et nous n'avons pas d'ailes pour nous emporter d'ici. Trouvez si vous le pouvez le moyen qui nous sorte de cette horrible situation. Ce siège long et pénible nous promet à tous une mort prochaine. Bruit dans la foule, dehors, il regarde à la fenêtre, il revient. À nos femmes, à nos enfants. Ce large fossé nous empêche de tenter l'essor des armes. Mais quoi ? Des bras vaillants peuvent renverser bien des obstacles. Corabino. Lutte à Jupiter tout-puissant que notre jeunesse se vit en face de toute armée ennemie. Alors les mains espagnoles, bravant la mort, ouvriraient un large chemin pour le salut du peuple de Numance. Et puisque nous sommes réduits à cette extrémité de nous voir enfermés ici comme des femmes, agissons comme nous le pourrons et montrons des cœurs hardis. Défions nos ennemis en combat singulier. Si ce moyen ne nous réussit pas, profitons de la ville pour franchir le fossé et jetons-nous tous ensemble sur les ennemis. Un autre. C'est aussi mon avis. Qui veut ne pas mourir par la faim, descende avec moi dans la tranchée et se fraye un passage avec le poignard. Un autre du Mantin. Que Marcueno, le fameux devin, ici présent, observe quelle étoile, quelle planète ou quel signe nous menace de mort. Tous regardent Marcueno. Et s'il peut nous indiquer un moyen de rompre ce cercle cruel, nous en sortirons vainqueurs ou vaincus, un autre. Mais offrons d'abord à Jupiter un solennel sacrifice. Peut-être ainsi conjurerons-nous le destin. Il est toujours temps de mourir désespéré. Pour ne pas perdre des moments précieux, dites si ma proposition vous agrée. Sinon, trouvez un meilleur moyen qui réponde à tout. Marquino, j'approuve toutes vos raisons. Offrons d'abord des sacrifices, et puis envoyons des défis. Quant à moi, je ne perdrai pas l'occasion de montrer ce que peut ma science. Je tirerai du centre obscur de la Terre celui qui nous apprendra le bien et le mal futur. Corbillon, allons, et réalisons tout ce qui est proposé avant que les tortures de la faim ne nous en empêchent. Allons. Et ils sortent. Un humantin seul, le ciel a prononcé la sentence. Puisse-t-il la révoquer s'il accepte la juste expiation que Numance lui offre? Ils sortent les uns après les autres, et chacun prévient les gens du peuple qui reparaissent affairés. La lumière revient sur la place publique. Des groupes se forment, des femmes courent, les enfants les suivent, et on distingue dans la foule Marquino, le devin, les sacrifices, on va lancer des défis, on va connaître notre destin. Les sacrifices, lancer des défis, sacrifices, lancer des défis. C'est-à-dire la nouvelle se propage, tandis que les cloches commencent à sonner très lentement, et la place se remplit. Tout le monde s'affaire. Une sorte d'atmosphère hystérique de superstition. L'un fait un signe à l'autre pour venir, un autre monte sur le pont et en harangue trois autres qui se rassemblent, un homme se dépêche de finir son travail, un autre monte sur le mur, et on va à lui, un petit rassemblement, Marquino passe rapidement, on va à lui, on l'ovationne, tout cela, tandis que dans la foule, Morandro, le fiancé de Lyra, est entré seul, bousculé par la foule, et Leoncio, son fidèle ami, le rejoint. Et tandis que la foule s'éloigne en majeure partie pour suivre Marquino, ou les sacrificateurs qui se rendent au lieu de rendez-vous, la scène des deux amis commence, et de temps en temps, des passants croisent Morandro et le toisent avec mépris. C'est le lâche par amour. Leoncio à Morandro qui seul s'éloignait. « Ami Morandro, où vas-tu ? » « Morandro, puisque je l'ignore moi-même, tu ne peux le savoir. » Leoncio, « comme ton amour te trouble l'esprit. » Morandro, tu veux donner des règles à l'amour? Leoncio, la raison le peut. Morandro, l'amour n'est pas l'ennemi de la raison. Je sais pourtant qu'il s'en écarte. Leoncio, n'es-tu pas une offense à la raison qu'un brave soldat comme toi soit si amoureux dans un moment aussi critique? Tu vois la patrie qui se meurt encerclée par ses ennemis et ta mémoire troublée l'oublie. Morandro, je ne puis sans colère t'entendre parler ainsi. Et il saute sur un praticable de la place et comme si ça faisait une confession publique. Ai-je déserté mon poste pour courir après madame? Suis-je couché quand le capitaine veille? As-tu vu manquer à ce que je dois à mon office, quoique je sois amoureux? Si tu l'as pu me reprendre en faute, pourquoi me reprocher mon amour? Si tu me vois toujours muet et rêveur, mets la main sur ton cœur et tu sauras si j'ai mes raisons. Ignores-tu les nombreuses années que j'ai perdues auprès de Lyra? Ne sais-tu pas que la fin de mes souffrances était venue et que son père me la donnait pour femme et que l'amour de Lyra répondait au mien? Et voici que cette terrible guerre survient au milieu de ces douces espérances. On différa le mariage parce que ce n'était plus le temps des fêtes et de la joie. Épuisé par la faim, sans espoir, enfermé avec un petit nombre d'amis, quand je vois le vent emporter tout ce qui devait faire mon bonheur, je vais devant moi, triste et découragé, comme tu vois que je vais. Calme-toi, Morandro. Et reprends courage. Et alors ici, on commence à entendre les premiers chants lointains de la procession. Quelquefois, notre salut arrive par des voies détournées et Jupiter va nous inspirer le moyen qui nous affranchira du joug de Rome. Pour se le rendre favorable, Numance lui offre aujourd'hui un sacrifice. Déjà, je vois courir le peuple avec les victimes et l'encens. Oh Dieu, Père immense, vois notre malheur. Et la foule avance lentement. Lentement, la procession entre, le chant de la procession augmente, on reconnaît Théogène, les notables, les enfants. Les femmes, selon la coutume, sont là séparées des hommes. Ils parcourent la ville en contournant le taureau. Tous marchent lentement sur le rythme de la musique et des chants. Car c'est la troupe qui fait ce chant. Deux fois, le chant est interrompu par des cris d'animaux infernaux qui viennent du ciel, et à chaque fois, le cortège s'accroupit, s'affole, mais on rassemble les gens et le cortège se reforme. Et le cortège continue. Il passe dans la ville. Ils arrivent là, le cortège commence à s'installer, on prépare les instruments de sacrifice. Il y a deux sacrificateurs avec les deux aides. Les deux sacrificateurs sont deux bonnes rondeurs. Et alors ils viennent doucement vers la face, les deux sacrificateurs, et en confidence ils se disent: j'ai vu en chemin des signes certains de malheur qui m'ont fait dresser les cheveux. Le deuxième: si je ne me trompe, nous ne sortirons jamais bien de cette entreprise. Oh, malheureux peuple numantin. Et le premier: remplissons bien vite notre office, comme nous y invitent les tristes présages. Et alors, là, il commence à placer, et le chant de la procession diminue jusqu'à zéro. Le deuxième sacrificateur commence à ranger la foule. On calme la foule avec une clochette, parce qu'il y a tout de même, les gens sont un peu énervés. Et il dit: amis, placez ici cette table et déposez sur elle le vin, l'encens et l'eau que vous avez apportés. Puis éloignez-vous et repentez-vous du mal que vous avez pu faire. La meilleure oblation et la première qu'on doit présenter au ciel est une âme pure et une volonté sincère. Tous se mettent à genoux et commencent à murmurer des prières. Le premier à son aide: n'allumez pas le feu sur le sol! Voici un vase pour le recevoir. Donnez l'eau. Il est nerveux. Il verse l'eau. Le feu ne s'allume pas. Le deuxième: oh Jupiter, que va décider le sort pour notre malheur? Là, tout de même, la flamme commence à venir, quelques grésillements. Une légère flamme brille. Elle se tourne vers l'Orient. Vers l'Orient! Mauvais présage, il se regarde. Le deuxième sacrificateur, interprétant: les Romains remporteront la victoire, murmure, mais elle s'envolera en fumée! Silence stupide. Il continue: et les flammes de notre gloire et de notre sort monteront vers le ciel. Conversation tumultueuse et basse. Le premier: il faut arroser avec du vin le feu sacré. Il faut aussi brûler de l'encens. Brûler de l'encens. Alors, on fait tout ça. La foule répète. Le deuxième sacrificateur fait la prière. Pour le bien du triste peuple numance, pour le bien du triste peuple numance, relevez sa force, relevez sa force, et qu'il puisse lutter contre les présages funestes, et qu'il puisse lutter contre les présages funestes. Pim, pim, pim, pim, tonnerre éclair. L'affolement et le tumulte reprennent et grandissent. Le premier sacrificateur: avez-vous vu l'éclair ardent qui a brillé? Le son: je tremble. Oh, on regarde le ciel. Quel signe je vois dans les airs! Quelle triste fin il nous présage! N'apercevez-vous pas une troupe d'aigles qui combattent dans les airs d'autres oiseaux? Panique, le premier: les aigles romains sont victorieux! Nous verrons bientôt la chute de Numance! Sacrifions vite la victime que nous gardions pour apaiser la colère du sombre dieu! Il prend le bélier qu'il avait disposé et, tonnerre éclair, pan, on lui escamote le bélier disparaît de ses mains. Qui donc m'a enlevé de mes mains la victime? Dieu sacré, quels sont ces horribles présages? Les pleurs de ce peuple ne vous ont-ils pas attendri, non plus que nos chants sacrés? Et alors tout le monde, hurlement de frayeur, panique collective, n'est-ce pas? Désordre indescriptible, les uns sont à genoux bousculés, les autres s'arrachent, pleurent, s'enfuient. Et alors, un numantin en transe dit: les dieux ont prononcé notre sentence! Marquino! Marquino! Et alors il part en appelant Marquino. Alors Marquino, et alors tous les gens partent en criant: Marquino! Marquino! Et le numantin en transe termine: emploie tout ton savoir dans une dernière tentative et sache de combien de mots nous menace le sort qui a changé notre joie en pleurs. Tous s'enfuient vers le fond, disparaissent un instant pour reparaître bientôt à reculons, attentifs et angoissés, car ils précéderont tout à l'heure l'arrivée de Marquino. Mais pendant ce va-et-vient de la foule, Lyra rencontre Léoncio, l'ami de son fiancé. Lyra: que te semble, Léoncio? Ces présages du ciel guériront-ils nos maux? Léoncio essayant de la remonter: Lira, un bon soldat comme Morandro, s'inquiète peu des augures. Une âme forte croit toujours à la bonne fortune. De vaines apparences ne lui troublent pas l'esprit. Son bras est son étoile et son signe. Sa valeur, ses influences fatidiques. Pourtant, si tu veux croire à ces évidents mensonges, il me semble qu'il y a encore des épreuves à tenter. Marquino les fera de son mieux. Et il saura si nous devons être enfin heureux ou malheureux. Et à ce moment-là, on voit dans le silence arriver Marquino, plutôt la foule qui le cache et qui avance à reculons. Je l'aperçois. Puis, Marquino se dévoile. Sous quel étrange habit vient-il ? Et Lyra dit, celui qui s'entretient avec des ombres ne peut pas être d'un agréable aspect. Marquino, dont la marche lente est déjà inspirée, refoule le peuple. Et sur son passage, la foule s'écarte. Il paraît, il est vêtu d'un drap noir et d'une cagoule noire, et pieds nus, il porte dans sa main une lance, et à sa ceinture sont pendues trois fioles d'eau, une noire, une blanche, une jaune, et il a un fouet. La marche de Marquino, avec le jeu de changement d'éclairage, à chaque tournant évolution de la lumière, le peuple disparaît par groupe et Marquino suit une sorte de labyrinthe imaginaire, n'est-ce pas ? Puis, c'est le silence sépulcral, l'éclairage est devenu très très obscur, il n'y a plus qu'un filet de lumière du jour, comme ça, comme venant d'une sorte de hublot grillagé. Puis, Marquino et Milvio sont seuls éclairés par une lanterne. Milvio est son assistant. Où dit-on, Milvio, quel sombre jeune homme ? Milvio. Dans cette sépulture. Marquino, tu ne te trompes pas sur le lieu où tu l'as placé ? Milvio, non. Avec cette pierre, j'ai marqué la place où il fut enterré au milieu des larmes. Marquino, de quoi est-il mort ? Milvio, de la faim. Fléau sorti de l'enfer. Marquino, aucune blessure n'a coupé le fil de sa vie. Non, je te demande cela parce qu'il est nécessaire que je sache si le corps est demeuré entier. Milvio, il y a 3 heures que je lui ai donné le dernier repos. Il est mort de faim, je te le répète, Marquino. C'est bien. La conjoncture que m'offrent les signes propices pour invoquer les mauvais esprits est favorable. Il fait signe à Milvio de se retirer, qui se retire avec la lanterne. Marquino reste seul, éclairé juste par cette faible lumière du jour, un mince rayon. Il commence à faire des signes magiques autour de lui, et puis il se concentre et il commence à pénétrer dans ses transes. Et dans son invocation. Fier Pluton, prête l'oreille à mes paroles. Toi qui règnes parmi les ministres des âmes perverses habitant la sombre région, fais que mes désirs, fussent-ils contraires aux tiens, s'accomplissent. Et dans la dure nécessité où je t'invoque, n'hésite pas, car je ne t'importunerai plus. Je veux que tu rendes son âme au corps qui est enterré là. Quoi que le cruel Caron la retienne de l'autre côté et qu'elle soit gardée par les trois gueules de Cerbère, qu'elle sorte et revienne à la lumière de notre monde pour retourner aussitôt aux ténèbres du tien. Qu'elle vienne, sachant qu'elle sera la fin de cette guerre et de cela qu'elle ne me cache et ne me taise rien. Que les paroles de cette âme malheureuse ne me laissent aucun doute, ne me jettent dans aucune confusion. Elles doivent être dépouillées de toute ambiguïté. En voilà. T'attends-tu ? Et dans la nuit, on sent, plus qu'on ne voit, des ombres passer. L'une émet une sorte de susurrement comme des sens, une espèce d'esprit qui rôde. Et regarde. Elle comptait le royaume. Vous n'avez pas la pierre ? Dites, faux ministre, qui vous retient ? Un deuxième esprit passe. Il continue. Comment ? Vous n'osez pas exécuter mes ordres ? Obéissez ! Voulez-vous que je fasse à l'instant les conjurations qui adouciront vos cœurs récalcitrants ? Un troisième esprit. Ils rôdent dans la nuit comme ça, on les voit pas, mais on les sent. Vile canaille, menteur ! Vous allez le regretter durement, je vous en avertis. Ma voix puissante, vous le savez, va redoubler votre rage et vos tourments. Dites-moi, traître mari de l'épouse qui, 6 mois de l'année, est séparée de toi à son grand contentement, pourquoi restes-tu muet devant mes demandes ? Ce fer, trempé dans une eau limpide et qui n'a pas touché le sol dans le cours du mois de mai, frappera sur cette pierre et prouvera la force de cette épreuve. Et il verse l'eau de la fiole blanche sur le fer de la lance et il frappe la terre et 3 étincelles. énervation de l'obscurité des esprits. C'est comme si on les torturait, ces choses-là. Alors, ils courent, là. Ah, à vous donner des marques certaines de votre découragement. Quels sont ces bruits? Allons, méchants esprits, vous viendrez par la contrainte. Levez cette pierre et montrez-moi le corps qu'elle recouvre. Rien. Qu'est-ce là? Pourquoi tarder? Où êtes-vous? Pourquoi mon ordre ne s'exécute-t-il pas? Mes menaces sont impuissantes, esprits incrédules. Il sort la seconde fiole. Cette eau noire, puisée dans le Styx, va payer votre retard. Eau de la noire lagune, recueillie dans une nuit triste et obscure par la puissance qui est en toi et à qui rien ne résiste. Je vous conjure, je vous contrains, je vous prie et je vous ordonne de venir ici vous mettre à mes ordres. Il verse l'eau sur la pierre. Psst, les esprits s'enfuient épouvantés. Ah! La sépulture se recouvre d'une sorte de lueur irréelle. La pierre, dans un craquement très lent, se lève et le corps mort apparaît. Il sort, se déplace extrêmement lentement et Marcuino, oh, enfant difficile à trouver, c'est ça, lève-toi et dirige-toi vers le soleil. Laisse cette région qui ne renferme pas un jour d'espérance. Et donne-moi, si tu le peux, une relation fidèle de ce que tu as vu dans le profond abîme. Le corps est là. Tout d'un coup, il s'immobilise. Il oscille et... Bam, il tombe. Marcuino est au comble de la rage. Qu'est-ce là? Tu ne reviens pas à la vie. Je te ferai parler. Tu étais des nôtres. Je te ferai parler. Tu as été des nôtres. N'hésite pas de me répondre. Si tu te tais, je saurai délier ta langue. Esprits infernaux, cela ne suffit-il pas? Attendez l'eau enchantée d'entra vos perfides, votre perfidie et votre mauvaise volonté. Et il asperge de la fiole jaune et frappe le corps, et tout d'un coup il prend son fouet et se met à taper sur le corps. Et quoique ces chairs ne soient plus que poussière, elles retrouveront une nouvelle vie sous les coups de ce fouet. Une âme rebelle, reviens à cette demeure que tu as quittée il n'y a pas 3 heures. Tac, tac, tac. Le corps se ranime, il se relève, il montre qu'il veut parler. Marcuino s'immobilise. Le corps. Marcuino. Fais cesser ta rigueur. Les tourments que j'ai endurés dans l'obscure région suffisent sans que tu accroisses mon malheur. Tu te trompes si tu penses que je reprends avec joie cette pénible, misérable et courte existence qu'il faudra quitter aussitôt. Puisqu'une autre fois la mort inexorable triomphera de ma vie et de mon âme. Mon ennemi m'aura vaincu 2 fois. Au milieu de ses sombres compagnons, cet ennemi est là, la rage au cœur, attendant Marcuino, que je t'informe de la fin lamentable de Numance, que je t'annonce, et qui recevra son accomplissement par les mains de ceux qui l'ont investi. Mais... les Romains ne vaincront pas la forte Numance. C'est un glaive ami qui lui donnera et la mort et la vie. Et jouis-toi, Marcuino, de ce que le destin ne me permet pas de m'entretenir plus longtemps avec toi. Quoique tu n'ajoutes pas foi à mes paroles, ce que je t'annonce se vérifiera. Et le corps redescend dans son tombeau. Marcuino, dans la douleur et le désespoir. Oh, triste et malheureux présage! Si un peuple que j'aime doit subir une telle destinée avant d'être témoin d'un semblable malheur, ma vie finira dans cette sépulture. Et il se jette dans le tombeau. La pierre se referme avec un craquement sinistre. Bam! Milvio, qui voyait ça avec sa lanterne, se précipite dehors du labyrinthe et crie « Marcuino s'est jeté dans la tombe !» La lumière revient de jour de Numance, tandis que dans sa course éperdue, il prévient tous les Numantins « Marcuino s'est jeté dans la tombe !»« Marcuino s'est jeté dans la tombe !» Et alors tout le monde, toute la foule « Marcuino s'est jeté dans la tombe !»« Marcuino s'est jeté dans la tombe !» Et alors dans cette foule, Lyra et Leoncio sont encore bousculés, et Lyra dit « Tu le vois, Leoncio ?» Tous tournent contre nous. La route de notre bonheur est fermée. Léoncio indigné. Mais tout cela n'est qu'illusion, chimère et sorcellerie. Un France conduit démon. n'aient pas la faiblesse de croire de telles choses. Les morts s'inquiètent peu des affaires des vivants. Et alors là, une fois les cloches, la foule dans un tourbillon dit « Malheur, malheur, Marquino dans la tombe, Marquino dans la tombe !» Et le rideau tombe sur la fin de cette première partie. Vous voulez qu'on continue? Pour vous. Alors, la deuxième partie. Le rideau se relève sur le camp romain. De nouveau, Numance est fermée. Et la ville n'a aucun bruit. Et dans la campagne, torpeur et calme. Silence de la campagne rompu par le grésillement des insectes. Peut-être un bruit d'eau au loin, le fleuve d'Ouéro s'écoule. Gros soleil, la chaleur, le calme de l'Espagne, contrastant avec l'horreur de la situation. La sentinelle romaine somnole appuyée contre sa lance. Il y a les boucliers et les armes en faisceau. Des soldats dorment, d'autres vautrés et rêvassent. Deux soldats astiquent sans conviction des brides et des harnais. On entend deux, trois bruits de sabots de cheval, comme ça. Un hennissement, un soldat mange tranquillement. Et sous une sorte de parasol de fortune, Scipion et Jugurtha sont assis et s'entretiennent tranquillement. Scipion, en s'éventant ou bien tout en écrivant quelque chose, on dit que c'est lui qui est... On l'a soupçonné d'avoir écrit les comédies de Terence. Alors, il était très distingué. Et il fait quelques poèmes, comme ça arrive aux militaires. Scipion dit « Je suis vraiment satisfait de voir comment la fortune répond à mon désir. Je donne cette nation orgueilleuse par la seule prudence, sans employer la force. Vous pensiez que ce fossé que j'ai fait creuser était un acte de folie et qu'il était indigne du nom romain de ne pas vaincre par les moyens communs. Je sais qu'on l'a dit, mais ceux qui ont la pratique de la guerre répondront que la meilleure victoire est celle qui coûte le moins de sang. » Et alors, au loin, on entend des trompettes numantines. Jugurtha qui disait « Ce fossé leur interdit toute sortie. » Écoute, Seigneur, une trompette numantine vient de sonner. Alors, ils se lèvent, ils vont vers les murs. La sentinelle s'est réveillée un petit peu. « Regarde, on veut te parler de la ville. » Et en effet, on voit un petit drapeau blanc qui s'agite à l'extrémité du mur, n'est-ce pas? Puis le drapeau grossit, n'est-ce pas? Et va revient... On arrivera à un gros drapeau, et puis c'est Corabino qui se dressera sous le drapeau. Regarde, on veut te parler de la ville. Quelqu'un s'est placé sur un créneau et fait signe qu'il demande sûreté. Approchons-nous. Soit, approchons. Quelques soldats les ont suivis. Et alors, la bannière apparaît. Marius, pas davantage. D'ici, nous entendrons. Corabino apparaît, grimpé sur le mur, et fait signe avec sa bannière. Corabino, Romain ! Hé, Romain ! Ma voix arrive-t-elle jusqu'à vous ? Marius, pourvu que tu ne le prennes pas trop et que tu te dépêches, nous entendrons ce que tu as à dire. Corabino, dites au général qu'il nous donne passage dans le fossé, car nous lui envoyons une ambassade. Scipion, parle, je suis Scipion. Alors, Corabino se penche derrière le mur, colloque, tout ça, bon, ben, j'ai l'autorisation de parler, bon, alors ça va. Écoute, Numance te redit, sage général, que depuis trop d'années durent les malheurs de la guerre entre nos deux nations, et que si tu veux y mettre fin, elle te propose un combat singulier, murmura-t-il des Romains. Un des nôtres offre de combattre en champ clos le plus brave de tes soldats pour terminer cette atroce querelle. Si le destin nous est contraire, cette terre vous appartient. Si votre champion est vaincu, la guerre cessera. Nous donnerons des otages à ton gré pour la garantie du pacte. Et alors à ce moment-là, on montre deux prisonniers romains de derrière les murs comme otages. Tu accepteras parce que tu es sûr de tes guerriers. et que tu sais bien que le moindre d'entre eux vaincra le meilleur de l'immense. Tu assureras ainsi ta victoire. Réponds-moi si tu consens, afin que nous en venions promptement à l'exécution. Scipion, ce que tu dis est une plaisanterie et un jeu. Celui qui accepterait cette proposition serait un insensé. Recourez plutôt à l'humble prière, si vous voulez soustraire vos têtes au glaive de Rome. Indignation qui monte hors des murs. Toute bête féroce enfermée dans une cage peut être domptée par l'adresse et par le temps. Qui la déchaînerait lui donnerait la liberté, commettrait une grande imprudence. Vous êtes des bêtes féroces, et comme telles enfermées jusqu'à ce que je vous ai soumis. Numance m'appartiendra malgré vous, et sans qu'il m'en coûte un soldat. Et tandis que les rugissements de haine, Scipion sort avec les siens, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, de haine et de rage et d'indignation, le mur de Numance se rouvre, n'est-ce pas? Tout, et Corabillon s'est accroché au mur debout et continue à les insulter. Tu ne m'écoutes plus, lâche! Tandis que le mur avance sur sa rotation comme ça et prend la scène, n'est-ce pas? Et qu'on voit l'intérieur de la ville. Tu te caches déjà! Un combat d'égal à égal te répugne! Tu mens à ta renommée, Scipion, et ce n'est pas ainsi que tu la soutiendras! Romains, vous êtes des lâches! Vous qui vous fiez dans votre grand nombre et non dans votre courage! D'autres perfides, déloyaux! Alors tout le monde est monté sur les murs, on les insulte, on leur jette des pierres, on leur crache. Perfides, déloyaux, infâmes! Quelle gloire tirerez-vous de notre mort en nous tenant ainsi enchaînés? Un autre, lièvre déguisé en lion! Vantez-vous, exagérez vos exploits! Alors j'espère, en l'appui du grand Jupiter, pour vous voir un jour assujetti à Numance et à ses lois! Et pour toute réponse, une flèche. Tout le monde s'est replié, le seul Corabinou s'est accroché comme un roquet à son mur, n'est-ce pas? Et alors, tout le monde est pétrifié, et alors, suite à un mouvement de torpeur, chacun tourne en rond en silence. Car la deuxième partie, il n'y a pas ces grands éclats. L'angoisse est trop forte et la faim est trop pénible. Tout ça est absolument résorbé par la force qui s'affaiblit, n'est-ce pas? Alors, tout le monde tourne, et tout d'un coup, on tourne autour des deux prisonniers romains qui sont ahuris, là. Et soudain, on réalise leur présence, on se rue sur eux et on les entraîne. Un numantin de désespoir se précipite sur le mur le plus haut et saute dans le vide. Une femme crie, un homme se déchire les vêtements, un autre crache par terre de dégoût. Toutes ces choses de folie, encore une fois, sont étouffées par la faim. Deux enfants se tordent de douleur de faim dans un coin. Soudain, Théogène saute sur le socle de la place et fait signe qu'il veut parler. Théogène veut parler. Là, alors on se range tant bien que mal et l'ordre est un instant rétabli. Théogène, notre destinée est telle. Chers amis, notre misère est si grande, notre situation si tragique. Ce sera bien fait pour nous que la mort. Pour notre malheur, vous avez vu, pendant le sacrifice, les tristes et menaçants augures. Peu après, Marquino se précipitait dans la tombe. Notre défi, à présent, n'est même pas accepté. Que nous reste-t-il à faire, sinon à accélérer notre fin prochaine? Montrons cette nuit notre audace. Et mettons à exécution ce dernier projet. Que le rempart ennemi soit franchi. Allons mourir dans la campagne et non dans ces étroites murailles. Cet exploit ne réussira qu'à changer le mode de notre mort, mais qu'importe! Corabino, qui est du mur, dit « J'adopte ton avis !» Il saute du mur et rejoint le groupe. « Je veux bien mourir en rompant ce mur redoutable de mes propres mains !» Alors, déjà, tout le monde déjà commence à s'exciter, à accepter la décision, et Corabino les arrête. « Mais je n'ai qu'une crainte. Si nos femmes apprennent notre résolution, elles nous empêcheront d'agir. Lorsqu'une autre fois nous voulûmes sortir de la ville et les quitter, nous fions à nos coursiers et à nos épées, elles nous dérobèrent les brides de nos chevaux sans nous en laisser une seule. Aujourd'hui, elles vont s'opposer à notre départ, et elles y réussiront avec leurs larmes. » Un numantin. « Mais nous connaissons tous ce dessein, et elles aussi, et toutes le déplorent amèrement. Elles disent que dans la mauvaise comme dans la bonne fortune, elles veulent nous suivre, vivantes ou mortes. » Et tout d'un coup un autre. « Vous les voyez d'ici qui viennent vous supplier ? » Et en effet, une délégation des femmes, quatre femmes plus Lyra, toutes avec des enfants, arrivent en délégation. Tandis qu'elles avancent, les hommes reculent, formant deux groupes solennellement séparés. À droite, les hommes, à gauche, les femmes. Morandro dit, « Elles traînent tristement vos petits-enfants par le bras. Voyez avec quel amour elles leur donnent le dernier baiser. » Et il y a chez ces hommes une certaine crainte d'être émus, alors ils prennent l'air bougon. Silence général, et il y a des petits gémissements d'enfants, simplement. La première femme numantine s'avance. Nos chers seigneurs, si dans les maux soufferts jusqu'ici par Numance, comme dans la bonne fortune passée, nous nous sommes toujours montrés vos femmes et vous, nos dignes époux, pourquoi dans ces tristes circonstances auxquelles le ciel nous condamne, nous donnez-vous si peu de marques de votre amour? Nous apprenons, et le fait est certain, que vous voulez vous précipiter sur les armes romaines, moins redoutables que la faim. Vous voulez mourir en combattant, bien. mais vous voulez aussi nous livrer sans défense au déshonneur et à la mort. Que vos épées alors se tournent les premières contre nous. Cela vaudra mieux que de nous voir déshonorés, souillés par nos ennemis. J'ai résolu pour ma part de mourir sur place où mourra mon mari. Et elle s'avance lentement vers lui. Et agira comme moi, toute femme qui voudra prouver que la terreur de la mort ne l'empêche pas d'aimer celui qu'elle aime, dans la bonne comme dans la mauvaise fortune. Elle se jette sur son mari, tiens, comme ça. Une autre femme s'est précipitée aussi sur son homme. Mais quelle est votre pensée? Voulez-vous encore nous quitter? Voulez-vous abandonner aux Romains arrogants les vierges de Numance et augmenter encore leur humiliation? Voulez-vous que vos enfants libres deviennent des esclaves? Et elle s'adresse à tous. Ne voudrait-il pas mieux les étouffer de vos propres mains? Voulez-vous rassasier l'avarice romaine et que son injustice triomphe? Nos maisons seront-elles détruites par des mains étrangères et les noces toutes préparées le seront-elles pour les Romains? En partant, vous faites une faute, car vous laissez le troupeau sans chien et sans maître. Si vous voulez descendre dans les fossés, emmenez-nous. Mourir à vos côtés sera pour nous la vie. Et elle s'est encore précipitée, elle le tient aussi, et on sent une sorte de sensualité authentique qui se répand dans ces groupes. Et on sent déjà que les groupes, les couples vont se reformer. Il y a une sorte d'attraction mutuelle qui se refait dans une grande émotion, une grande tendresse. Pendant qu'une autre enfant, une autre femme montre les enfants, n'est-ce pas, fait venir les enfants. Enfants de si triste mère, comment? Vous voulez parler, vous aussi? Vos larmes demandent-elles à vos pères de ne pas vous abandonner? Il suffit pour vous faire mourir, n'est-ce pas, de la faim et de la douleur, qu'ils n'y joignent pas la férocité romaine. Dites-leur qu'ils vous ont fait naître libres et que vos mères vous ont élevés pour être libres. Dites-leur que dans ce sort si misérable, ils doivent vous donner la mort comme ils vous donnèrent la vie. Ô mur de cette cité, si vous le pouvez parler, dites et répétez mille fois, Numance, liberté! Numance, liberté! Nos temples, nos maisons vous crient miséricorde, ainsi que vos enfants et vos femmes. Illustres hommes, adoucissez vos cœurs de diamants et montrez-nous plus d'amour. Et alors là, les couples se font, et Théogène ému se précipite encore sur sa femme et femme. Et alors les couples se refont, tandis que les femmes pleurent sur place, les hommes les embrassent très sensuellement et se barbouillent de leur être, n'est-ce pas? Seul Morandro et sa fiancée Lyra se regardent, elle baisse la tête et pleure. Et à ce moment-là, il y a la pression que font les femmes sur leurs hommes est beaucoup plus secrète, beaucoup plus intime maintenant, bien que ce soit dans cette collectivité. Une femme à son homme, ne laissez pas tant de richesses à la rapine avare des Romains. Vous trouverez dans votre désespoir une mort prompte et une large gloire, une autre. Mais si vous vous échappez, quelle ville espagnole vous accueillera? Si vous partez, vous donnez la vie à l'ennemi et la mort à Numance. Les Romains se moqueront de vous, une autre. Et puis, dites-moi, que pourront 3000 hommes contre 80 000? Quand les murs seraient ouverts et sans défense, vous seriez mal vengés et bien morts. Et nôtre, il vaut mieux laisser faire à la destinée. Selon ce que le ciel ordonne, nous serons sauvés ou condamnés. Et l'excitation va croissante. Théogène, tout d'un coup, à la fois par cette espèce d'excitation sensuelle, de tendresse, d'amour, et puis la faim, la faiblesse, etc. Tout le monde est dans un état de panique et de... Et tout d'un coup, Théogène se précipite sur le socle et il arrête tout le monde. Femme! Il est ivre. Essuyez vos pleurs. Vous savez trop que nous ressentons vos angoisses et que notre cœur y répond. Que notre souffrance augmente encore. Jamais nous ne vous quitterons et nous vous aiderons dans la vie et dans la mort. Qu'au milieu de la grande place de Numance, on allume un bûcher et que dans son ardente flamme, toutes nos richesses soient jetées. Et cela, vous le ferez avec joie quand je vous aurai dit quelle partie honorable nous aurons à prendre après que tout sera consumé. Et pour apaiser pendant une heure la faim qui nous dévore, vous ferez couper en morceaux les prisonniers romains et vous les partagerez tous. La cruelle nécessité applaudira à notre festin. L'exaltation collective est très sourde, devient farouche, les poitrines grondent, les torses se balancent, haine, faim et monte à la surface. Le moment est lent et pénible. Corabino presque hurlé, je t'approuve, Théogène, exécutons bien vite ce projet. Théogène, toujours comme ivre, je vous apprendrai notre plus bel acte quand nous aurons accompli ce que je dis. Allons! Une femme assez hystérique, brûlons tout ce qui pourrait enrichir l'avarice des Romains. Alors tous se précipitent dans tous les sens en exprimant leur approbation. Ils sortent progressivement, laissant Lyra et Morandro sur scène, Léoncio après la sentinelle sur le mur. Et au cours de leur scène, entre Lyra et Morandro, on apercevra peu à peu les lueurs du bûcher. On verra aussi les deux prisonniers romains entraîné à l'égorgement, puis de temps en temps, une famille a porté ses affaires les plus précieuses pour les jeter dans le bûcher. Morandro, qui à Lyra qui allait sortir? Ne te presse pas tant, Lyra. Laisse-moi jouir de ta présence qui seule peut adoucir pour moi la mort. Laisse mes yeux contempler un moment ta beauté. Ô douce Lyra, tu résonnes sans cesse dans mon cœur avec une suave harmonie qui change mes peines en joie. Douce, douce, douce Lyra. Mais qu'as-tu? Quelle est ta pensée? Elle se trouve presque mal, Lyra. Je pense que mon bonheur et le tien vont finir, mais que ce n'est pas le siège de la ville qui le tuera. La vie me quittera d'elle-même. Morandro, que dis-tu? Mon âme bien-aimée, Lyra, la faim me torture à ce point que je vais expirer. Avant une heure, j'ai peur de mourir. Mon père est mort hier, tu le sais, comme ma mère, de la faim. Si je ne les ai pas suivis, c'est que la force de la jeunesse lutte encore en moi. Voilà plusieurs jours que je résiste, Morandro. Mes forces débiles ne pourront aller plus loin. Et elle pleure de faiblesse, Morandro. Tu ne mourras pas de faim tant que je serai vivant. Je vais franchir le fossé et le mur. Laisse-moi risquer ma vie pour sauver la tienne. Avec toi, en moi, rien ne peut m'arrêter. J'arracherai de la bouche du Romain le pain qu'il y porte pour le placer dans la tienne. Il ira dans un triste sommeil. Tu parles comme un amoureux, Morandro. Mais il n'est pas juste que je contente ma fin de fantaisie en t'exposant au péril. Ce que tu pourras m'apporter sera trop peu pour me ranimer et tu te perdras sans me sauver. Ta vie à notre ville importe plus que la mienne. Tu pourras la défendre contre les embûches des ennemis mieux qu'une pauvre femme sans force. Cher amour, quitte cette pensée. Je ne veux pas vivre en t'exposant. Tu ne pourrais retarder que d'un jour l'effet de cette souffrance qui doit nous emporter, Morandro. En vain, Lyra, tu veux radoucir cette envie où ma volonté me pousse. Prie les dieux que je revienne avec un butin qui fasse cesser ta misère et nos tourments. Lyra s'accroche à lui, il veut partir. Morandro, mon ami, ne t'en va pas. Je ne veux pas que le glaive ennemi soit rougi de ton sang. Ne fais pas ce voyage, Morandro, bien de ma vie. Si la sortie est difficile, le retour est pire encore. Je prends le ciel à témoin que je désire calmer ton ardeur, que j'aime mieux souffrir que profiter de ton dévouement. Et elle est prise d'une nouvelle faiblesse, il la soutient tout contre lui. Elle ajoute mystérieusement: mais si tu poursuis ton dessein, reçois ce baiser comme un gage et emporte avec toi mon souvenir. Morandro, Lyra, que le ciel te protège. Va-t'en, va-t'en, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Et en s'en allant titubant, Lyra dit que son désir s'accomplisse sans malheur. Elle sort en titubant. Léoncio, qu'une autre sentinelle a relevé et qui avait entendu leurs paroles, descend et le soir tombe. Pendant ce temps-là, Léoncio à Morandro qui est resté. C'est une offre terrible que tu lui as faite. Elle nous prouve la valeur des cœurs amoureux. Quoi qu'on doive beaucoup attendre de ton courage, je crains une destinée contraire. J'ai écouté attentivement ce que t'a dit Lyra sur l'extrémité dans laquelle elle se trouve et te lui a promis de la soulager en te jetant sur les soldats romains pour les combattre. Je prétends, mon ami, t'accompagner et t'aider de mes débiles forces dans une entreprise si juste. Morandro. Oh! À moitié de mon âme. Ah, heureuse amitié unie dans l'infortune comme dans le bonheur. On reste dans la ville, Léoncio. Je ne veux pas être le bourreau de ta jeunesse. Moi seul, je dois partir. Et j'espère revenir avec mon butin au but de mon inviolable foi et de mon amour éperdu. Léoncio, tu connais mon désir, qui dans le bon et le mauvais sort se règle sur le tien. Sache que la crainte de la mort ne me séparera pas de toi, ni aucune autre cause, s'il y en a une plus forte. Je dois t'accompagner, je dois revenir avec toi, à moins que le ciel n'ait décidé que là-bas je dois mourir. Oh, on entend l'égorgement des deux soldats romains, et triomphe des sauvages dénumantins. Morandro, calme Léoncio, reste tranquille, ami. Si je perds la vie dans cette entreprise pleine de périls, je te demande de secourir ma mère en ce rigoureux moment et de veiller sur ma femme bien-aimée. Léoncio, ta mort sera la mienne. Je veux te suivre dans cette entreprise douteuse. Ne me parle plus de rester ici, Morandro. Puisque je ne réussis pas à t'empêcher de m'accompagner, assaillons dès cette nuit l'ennemi. Arme-toi légèrement. C'est le seul moyen de réussir notre projet. Pas de cuirasse trop pesante. Pense comme moi à prendre et à apporter le plus de provisions qu'il sera possible. Léoncio, marchons. Je me conformerai à ce que tu me demandes. Et il sort. Et alors à ce moment-là, la foule qui augmentait, il y a le défilé des numantins qui portent leurs affaires aux flammes. N'est-ce pas? Tout ce qui leur appartient, tout cela entremêlé de chants délirants et religieux. Le premier numantin: pleure, ô mon frère! Un autre numantin: vienne la mort et qu'elle prenne les dépouilles de notre misérable et triste vie. Le deuxième numantin: Nos peines dureront bien peu. Maintenant, voilà la mort qui vient, emportant dans son vol rapide tout ce qui foule le sol de Numance. Sur la grande place, on voit s'élever une ardente fournaise qui, remplie de nos trésors, lance ses flammes jusqu'au ciel. Chacun sait qu'il va périr, accourt comme à une sainte offrande et attise le feu avec ce qu'il possède. Là, on jette la perle d'Orient et l'or fabriqué en vase de mille formes. Là, le diamant et le rubis précieux, le pourpre et le brocart, dépouilles qu'on arrache ainsi aux Romains. Entre d'autres numantins chargés de leurs bagages. Regarde ce triste spectacle. Tu verras avec quel empressement et quelle résignation tous les habitants de Numance s'empressent à alimenter la flamme et jettent au lieu de bois leurs biens dont ils ne jouiront plus. Ils les avaient amassés pour un feu. Le premier. Si notre malheur devait s'arrêter là, nous pourrions encore le supporter avec patience. Mais hélas, une sentence cruelle a fait de la ville un tombeau. Avant que cette rigueur extrême ne nous atteigne, dit Théogène, que nos bras et non les Romains soient nos bourreaux. On a décidé que ni une femme, ni un enfant, ni un vieillard ne resterait vivant puisque la faim cruelle doit tout détruire. Mais je vois venir de ce côté ma femme. Ma femme que j'aimais autrefois, que j'aime autant qu'elle souffre aujourd'hui. Fuyons. Et il s'enfuit pour ne pas obéir à la sentence. Entre une femme, la femme portant son enfant, et elle se détache du cortège et s'assied, la mère avec son enfant. Oh, existence inacceptable, terrible et triste agonie. L'enfant, ma mère, quelqu'un peut-il nous donner du pain ? La mère, ni du pain, mon fils, ni rien qui se puisse manger, l'enfant. Mais faut-il donc que je meure de cette horrible faim ? Donne-moi un peu de pain, mère, je ne t'en demanderai plus. La mère, enfant, quelle peine tu me causes, enfant. Mère, pourquoi ne veux-tu pas ? Mère, mais je le veux, mais que faire ? Je ne sais où le trouver. Enfant, mais tu peux l'acheter ou je l'achèterai, moi. Pour me guérir de ce mal, je donnerai à qui voudra tous ses vêtements pour un morceau de pain. Il s'arrache les vêtements et saute sur sa mère. Et la nuit vient, et à ce moment-là, tous les numantins en cortège entrent dans une espèce de silence subite. Et alors, on ranime, le feu augmente et passe, tandis que la mère au petit enfant qui tout d'un coup s'est jeté sur son sein. La mère, pourquoi presser mon sein, triste créature ? Ne sens-tu pas qu'au lieu de lait, tu n'en tires que du sang ? Le cortège passe. Déchire ma chair par lambeaux et rassasie-toi, car mes bras affaiblis ne peuvent plus te porter. Ô enfant de mon âme, comment pourrais-je vous nourrir à moins que je ne vous donne ma propre chair ? Ô faim terrible et puissante, pendant que l'enfant la travaille, sa chair, comme tu achèves ma vie. Oh, guerre, venue seulement pour nous faire mourir. Ma mère, je succombe. Allons vite où nous devons aller. Il semble que le chemin augmente encore la faim. La mère qui se réveille, enfant, l'endroit est proche. Où nous jetterons bientôt au milieu des flammes. Et elle le prend, le poids qui te jette. Elle rejoint lentement le cortège, qui s'en va, et la nuit est complètement venue. La mère disparaît à la suite du cortège, Morandro entre, remplace la sentinelle, Léoncio le rejoint assez secrètement, et tandis que les derniers du cortège s'éloignent, Morandro et Léoncio se laissent glisser de l'autre côté du mur. Doucement, les murs de Numance se referment, c'est eux, et c'est eux qui referment le mur de l'autre côté. Les rumeurs, pendant que leurs murs se referment, les rumeurs de la ville s'éloignent et disparaissent, et le rouge du bûcher s'efface peu à peu. Et voilà Morandro et Léoncio dehors. La nuit. Avant de s'élancer, ils demeurent un instant immobiles. La nuit est belle, fraîche, claire. On entend des grillons, un peu de vent. Malgré eux, ils respirent. Une odeur émouvante de liberté les prend. Et très au loin, on entend la première extinction des feux romains. Ça les réveille, ils reviennent à la réalité. Et ils courent dans la direction des trompettes. Ils courent vers le fond. Ils disparaissent. Et pendant ce temps-là, des soldats romains sont venus se coucher par terre dans le noir. On entend plus proche la deuxième extinction des feux, tandis que Morandro et Leoncio font peut-être une course comme ça sur place, sur la Seine. Et ils se tapissent de temps en temps. Ils réapparaissent toujours, courant, se cachant, s'aplatissant. Et à ce moment-là, la sentinelle romaine apparaît lentement et ils se tairent. Troisième extinction des feux. Ils se sont tirés. Ils rampent doucement vers la face et une deuxième sentinelle romaine apparaît. Les pas de leur ombre. Morandro et Leoncio ne disent rien. Les sentinelles se rencontrent. Ne parle pas. Les deux numantins se glissent à pas de loup pendant la conversation des deux sentinelles. Voilà. Ils arrivent derrière les sentinelles et tout d'un coup Morandro saute sur la première et l'étrangle lentement. Ah ! Celle-ci rebondit comme un poisson. Ah ! Les bondes de plus en plus espacées. Ah ! Leoncio, lui, s'est jeté sur l'autre. Les deux roulent à terre. Il essaie de lui étouffer. Tout d'un coup, un soldat romain s'est réveillé. Il se lève, un peu ahuri, et hésite entre le combat vers Leoncio et l'autre vers Morandro. Puis il saute sur Morandro, qui est en train d'oxyre la sentinelle. Un deuxième romain les rejoigne. Les deux sont à présent sur Morandro. Mais arrive Leoncio, qui s'est débarrassé de son bonhomme. Il bondit sur l'un, l'envoie en l'air. Un troisième romain, un quatrième romain, un cinquième romain se mêlent au groupe. Pendant un certain temps, c'est une espèce de bagarre comme un seul paquet dans la nuit, de poignards qui brillent. Puis on fait deux paquets, puis poursuite d'un groupe. Tandis que l'autre s'enfonce encore dans le sol. Leoncio est aux prises avec deux Romains. Mauvaise posture. Morandro ne peut l'aider. Trois Romains sont après lui. Poursuite. Tout d'un coup, il se sauve. Et Leoncio a réussi à se dégager. Et Morandro a disparu. Et tout d'un coup, de l'autre côté, Morandro reparaît. Toujours une nouvelle mêlée générale. Et dans sa course, Morandro a saisi le pain. Le pain passe de main en main. On ne voit plus que ce pain. Tout à coup, on voit Leoncio en l'air. Et quand il retombe, les deux Romains se jettent sur lui. Morandro va à son secours. C'est un Romain qui prend le pain et le pain circule encore de main en main. Ils avancent au pas. Leoncio s'est dégagé. Morandro, qui a saisi un glaive, se jette sur le Romain et l'exécute et lui arrache le pain. Leoncio, tout à coup frappé par un Romain, il tombe. Les autres Romains se précipitent sur Leoncio pour l'achever et pour l'oxyre. Au moment où Morandro se relève avec le pain, il voit qu'on est en train d'assassiner Leoncio. Un autre Romain se précipite sur lui, le blesse, il tombe, mais se relève dans un excès de volonté et se sauve avec le pain. Et tout d'un coup, le camp est à ce moment-là alerté. Rumeur, cri, appel de Cassius Marius, le plein feu apparaît. C'est le matin, n'est-ce pas, le plein feu, mais Morandro a réussi à s'échapper et à disparaître. Les trompettes appellent aux armes entre Scipion, Jugurtha, Caius Marius et toute l'armée. Qu'est-ce que sera, capitaine? Qui sont nos armes? Quintus Fabius rapide. Deux numantins dont il faut louer le courage ont franchi le fossé et la muraille et attaqué ton camp. Ils ont assailli les premières sentinelles et se sont précipités au milieu des lances. Ils chargent avec une telle furie qu'on leur a laissé le champ libre. Ils se sont revés sur les tentes de Fabricius et là, ils ont tué six soldats. Fabricius a une blessure à la poitrine, Horace a la tête fendue. Olmena va mourir. La légèreté de ses pieds a fait profiter aux valeureux Estacio car en poursuivant les numantins, il a trouvé aussi la mort. Ils allèrent d'une tente à l'autre jusqu'à ce qu'ils aient trouvé un morceau de pain dont ils s'emparèrent. Puis, ils retournèrent sur leurs pas. L'un d'eux s'échappa en fuyant, mais l'épée ont achevé l'autre. C'est la fin qui leur a donné à tous cette audace. Scipion va si mourant de faim et enfermé. Il montre un tel courage qu'aurait-il fait étant libre et livré à leur propre force. Vous serez enfin domptés. Nous opposerons notre habileté à votre fureur. Elle excelle à triompher de l'orgueil. Et ils se retirent tous. Et à ce moment-là, l'éclairage devient fantastique. Et le mur de Numan s'ouvre. Il est poussé par la rage et par la fureur. La fureur et la rage montent sur les remparts, sur le pont, sur le praticable, se livrant à une danse obsédante avec des sortes d'aboiements gutturaux. À ce moment-là, entre deux femmes, poursuivies par deux hommes, un enfant court au milieu d'eux. Les femmes poussaient aussi la muraille comme pour s'enfuir. Une femme, je ne veux pas mourir, épargnez-moi. Une femme, épargnez-nous. Un homme, c'est le décret du peuple de Numance, on doit tuer toutes les femmes. Un autre, un ordre de tuer toutes les femmes. L'enfant, il voudrait bien mieux manger. Les hommes, pour Numance, pour la liberté. Numance, liberté. Et dans la poursuite, ils sortent, une femme est blessée. L'autre s'enfuit, l'enfant est saisi et crie de frayeur. Et on voit le type qui emporte son enfant comme ça. La rage et la fureur continuent leur ronde. Et dans un coin, on découvre Lyra et son petit frère mourant, tous deux, et lui se tord de douleur. Et alors tout à coup, par la muraille, on voit un bras, puis Morandro qui apparaît, Le pain est contre lui, serré contre sa poitrine. Il est tout ensanglanté, le pain aussi. Il se dresse sur le mur et il est en proie au délire de la situation et de sa maladie, et de sa blessure. Et il s'adresse vers l'extérieur. Tu ne viens pas, Léoncio ? Qu'est-ce là, mon ami ? Mais si tu n'es pas avec moi, comment suis-je revenu sans toi ? Ami, qu'es-tu devenu ? Ce n'est pas toi qui m'as quitté, mais moi qui t'ai abandonné. Ton corps mis en pièces témoigne de ce que coûte ce pain. Est-il possible que la blessure t'ait donné la mort, n'ait pas tranché ma vie ? Le cruel destin dans ce moment terrible n'a pas voulu m'achever pour mon malheur et pour ton bien. Ton amitié l'emporte sur la mienne. Mais mon âme va bientôt se disculper près de toi, aussitôt que j'aurai donné ce pain amer à ma douce Lyra. Ce pain conquis sur les ennemis, ou pour mieux dire, acheté avec le sang de deux amis infortunés. Et il tombe à l'intérieur des murs. Alors tandis qu'il avance vers Lyra, le lion et Lyra, le frère de Lyra gémit. Lyra, ma sœur, Lyra, je me meurs. Morandro s'approche. Tout d'un coup, près de Lyra, arrivé presque au chemin, il tombe, il rassemble ses forces, il se relève, il se retrouve devant Lyra. Lyra, que vois-je, Morandro ? Tu vois, Lyra, l'accomplissement de ma parole et ma persistance à ne vouloir pas que tu meures tant que je serai vivant. Je pourrais ajouter que ce pain t'arrive quand la vie me quitte, Lyra. Que dis-tu, cher Morandro ? Que tu peux apaiser ta faim pendant que la destinée coupe le fil de mon existence. Mais mon sang mêlé avec ce pain te donnera doucement un triste et amer repas. Ce pain que tu vois ici contre 20 000 hommes la gardait. Il coûte la vie de deux tendres amis. Pour que tu comprennes mieux combien je mérite ton amour, sache que je vais mourir et que Léoncio est déjà mort. Reçois avec amour ma dernière volonté, le repas qui plaît à l'âme est le meilleur, puisque tu as vu le calme et la tempête, reçois le corps comme tu as reçu l'âme. Et il tombe mort à ses pieds. Lyra, Morandro, mon ami, qu'as-tu? Comment perds-tu si vite ton courage accoutumé? Dieu, mon époux est mort. Oh, événement lamentable, vaillant amant et soldat malheureux, pour m'affranchir de la mort, tu m'as ôté la vie. Oh, pain couvert d'un sang versé pour moi, tu n'es pour ma bouche qu'un poison. Mes lèvres ne te toucheront pas, sinon pour te donner un baiser. Elle embrasse le pain et le jette à terre. L'enfant délirant, Lyra, ma sœur, je me meurs. La faim m'a tué. Ma sœur, as-tu du pain ? Elle tend le pain. Pain qui, comme tu viens tard, la faim tient ma gorge serrée. L'eau même n'y passerait pas. Reprends-le, ma sœur, pour augmenter mon désespoir. Je vois que le pain m'arrive quand la vie me quitte. Et il expire aussi à son tour, il tombe mort. Lyra, tu as expiré, mon frère. Tu n'as plus un souffle. Le mal est le bienvenu quand il vient seul. Fortune, pourquoi m'accables-tu avec ces deux malheurs ? Pourquoi me laisses-tu à la fois orpheline et veuve ? Ô dur escadron romain, comme ton épée me fait deux fois mourir dans mon époux et dans mon frère, lequel des deux pleurerais-je, puisque chacun fut dans ma vie le cher joyau de mon cœur ? Doux époux, tendre frère, mon amour égalera la vôtre. Je vous verrai bientôt au ciel. Je dois mourir comme vous. Le fer et la faim m'achèveront. Et tout d'un coup, entre une femme poursuivie par un soldat lumentin. La femme, mon Dieu, secourez-moi dans mon adversité. Le soldat, quoi que tu me fuis, ma main doit te donner la mort. Lyra s'interposant. Bon soldat, tourne contre moi ce fer aigu et ce vaillant bras. Laisse vivre celle qui aime la vie et ôte-la à celle à qui elle pèse. Le soldat, quel est l'homme qui oserait frapper ta beauté? Quant à moi, je ne le saurais faire. Qu'une autre main te tue, je ne pourrais que t'adorer. Lyra, oh! Cette pitié que tu ressens pour moi, valeureux soldat, je jure et je prends le ciel à témoin que je la regarde comme la plus dure offense. Tu m'aurais témoigné ton amitié en arrachant le jour, mais puisqu'à mon grand dommage, tu veux te montrer pitoyable envers moi, aide-moi à ensevelir mon mari et mon frère. Le soldat, reviens, je ferai ce que tu me demandes. Porte ton frère, c'est une moins lourde charge. Je porterai le corps de ton mari. Et alors, Ils sortent en emportant les deux corps, et tout à coup, entre un personnage armé, la lumière devient irréelle. Le personnage armé porte un bouclier au bras gauche et tenant une lance de la main droite. C'est la guerre. Derrière s'avance la figure allégorique de la maladie, appuyée sur une béquille, la tête entourée de linge et avec un masque jaune. Tous y sont masqués. Elle est accompagnée de la faim, vêtue d'une robe jaune avec un masque pâle. La mort les accompagne, la fureur et la rage les ont rejointes. Il y a alors là une espèce de danse infernale de tout le monde. La guerre mime devant la muraille, la maladie se tord près du praticable. La mort danse au milieu, la fureur et la rage dansent sur les murs et miment la haine réciproque. La faim vomit dans un coin où semble étrangler quelques personnages imaginaires. Et la guerre se vient tout d'un coup se planter au milieu. Faim et maladie, exécutrice de mes sévères et terribles arrêts, insensible à la prière, aux menaces et aux droits. Puisque vous connaissez mes projets, agissez sans retard pour me satisfaire. La destinée qui veut être obéi me contraint de donner mon aide aux soldats romains. Ils seront vainqueurs pendant un temps, et les Espagnols seront soumis. Mais un autre temps viendra où j'élèverai le petit et où j'abattrai le grand. Je suis la puissante guerre que les mères détestent. Quoi qu'on me maudisse quelquefois à tort, parce qu'on ignore la valeur de ce bras, je sais que l'Espagne me glorifiera un jour sur tout le globe terrestre. Autant heureux, nous régnerons un Carlos, un Philippe et un Fernand. La maladie avance. Si notre ami fidèle, la faim, ne s'était pas chargé de la mort d'Adumantin, ta volonté aurait été accomplie par moi, en sorte que le Romain aurait fait un butin plus facile et plus riche encore qu'il ne l'espère. Mais autant qu'elle l'a pu, elle a ôté au peuple d'Adumantin tout espoir de salut. La fureur et la rage, tes suivantes, ont pris dans l'âme de ces gens une telle place qu'ils sont devenus plus altérés de leur propre sang que les Romains. La mort est leur seule joie. Et pour enlever à leur ennemi l'horreur du triomphe, ils se massacrent l'un l'autre. Alors à ce moment-là, une passade en étoile, n'est-ce pas, la rage est là au centre et mime les massacres. Et la fin vient une voix sourde. Va. Tourne les yeux de ce côté et tu verras brûler les toits élevés de la ville. Écoute les gémissements qui sortent de toute poitrine. Entends la voix et le lamentable tumulte de ces belles femmes qui, demi-mortes sous la cendre et le feu, oublient père, ami, amour et prière. Semblables à des brebis sans gardien, attaquées par des loups et qui fuient ça et là pour échapper à la mort, des enfants et des femmes délicates vont de rue en rue, fuyant les épées homicides et cherchant vainement à éviter une mort inévitable. Le glaive du mari perce le sein de sa nouvelle épouse qu'il aime. Contre sa mère, chose qu'on ne dit jamais, le fils s'avance et se dépouille de toute pitié. Et contre son fils, le père lève un bras irrité et déchire ses entrailles qui sont les siennes. Il n'est pas une place, pas un coin, ni une maison, ni une rue qui ne soit pleine de morts. Le fer tue, le feu incendie, la rigueur implacable condamne. Tu verras bientôt les plus hauts murs à ras du sol et les palais, les temples les plus magnifiques s'écrouler en poussière et en cendres. Viens, et tu verras Théogène affiler le tranchant de son épée pour immoler ses chers enfants et son épouse bien-aimée. Et comme après eux, il fait peu de cas de la vie, cherchant une étrange mort qui entraîne plus d'un désastre avec le sien. Et elles sortent tous, nouveau balai, et ils sortent comme ça, hein, la guerre s'en va. Allons, que chacun de vous m'obéisse et exécute de point en point ma volonté. Et ils sortent. Alors à ce moment-là, Théogène revient, poursuivant ses enfants et sa femme. Vous ne serez pas esclaves, ô fils de mon âme. Les Romains ne triompheront pas de vous, puisqu'ils n'ont pu nous soumettre. Venez dans mes bras, fils de ma vie. Je vous donnerai la mort pour repas. Il les poursuit autour du taureau, en saisit un. L'autre lui saute dessus pour le mordre. Sa femme s'enfuit. On entendra les cris des enfants en coulisses. La rage et la fureur reparaissent, suivies par la mort. Viriato, tout d'un coup, passe dans un coin avec Servio, deux jeunes gens. Par où veux-tu fuir, Servio ? Servio, par où tu voudras ? Ils sont morts de peur. Crient des gosses au loin. Viriato, si tu ne peux marcher, tu périras ici par la faim, par l'épée ou par la peur. Je m'en vais parce que je crains que le fer ne m'égorge ou que le feu ne me brûle. J'ai peur ! Et ils se sauvent. Deux Numantins se poursuivent. Tout d'un coup, l'un tue l'autre. Un troisième arrive et tue le second. Et il s'en va. Un quatrième entre blessé et tombe. Il n'y a plus qu'une espèce de roulement déjà et de fourmillant dans la ville. La fureur et la rage empoignent le taureau de Numance. Et dans une espèce de valse infernale, ils commencent à tourbillonner, à tourbillonner, à tourbillonner. Et ils disparaissent. Tout d'un coup, Théogène qui vient de tuer tous ses enfants, on a entendu les cris des gosses, n'est-ce pas ? Théogène revient à gare, tout d'un coup, sang qui coule de mes entrailles, puisque tu es celui de mon fils. Mains honnêtes et cruelles, fortune conjurée contre tous. Ciel vide de pitié, offrez-moi dans ce moment suprême une mort prochaine et honorable. Vaillant numantin, imaginez que je suis un perfide romain. Vengez sur moi vos affronts en enfonçant vos glaives dans ma poitrine. Il a deux épées, il en jette une, il la plante comme ça, comme défi. Une de ces épées vous représente ma fureur et ma rage insensée. Plus douloureuse que la mort sur un champ de bataille, que celui qui m'accordera la faveur de me délivrer du souci de la vie, jette ce misérable corps aux flammes. Ce sera un pieux office. Venez, qu'attendez-vous? Immolez-moi et que votre amitié se tourne contre moi en fureur ennemie. Un numantin arrive, ils sont face à face. Viens, invoques-tu, brave Théogène? Quel nouveau mode de mort as-tu inventé? Théogène, vaillant fils de Numance, si tu n'es pas affaibli par la peur, prends cette épée et perçons-nous l'un l'autre comme si nous étions des ennemis. Le numantin, pourquoi nous as-tu provoqué à de si désastreuses actions? Et lentement, il va prendre l'épée qui est plantée. Ils sont l'un en face de l'autre. Théogène, avant de s'élancer. Ô renommé, cette action mérite d'être racontée par toi. Romain, venez voir cette cité convertie en poussière et en fumée, ses fleurs et ses fruits devenus des herbes desséchées. Mais on est plus que ça, l'autre. Hein? Immense liberté! Et tout d'un coup, la mort arrive. Elle voit les cadavres penchés et elle s'accoude à une arche. Silence absolu et le mur de Numance se referme très lentement. Les soldats romains observent de loin les murs de la ville dont la rougeur s'éteint et qui bientôt ne donne plus aucun signe de vie. Scipion, entouré de ses chefs, je ne me trompe, et si les bruits et les flammes qui s'élevaient au-dessus de la ville ne sont pas des signes menteurs, je crains que l'ennemi n'ait tourné sa fureur contre lui-même. Je n'aperçois personne sur les murailles, les sentinelles ne donnent plus les signes habituels, figure-toi. Tout est calme et silencieux comme si Numance était en paix. Caius Marius, tu pourras sortir de ce doute si tu le désires. Je monterai sur le mur pour voir ce que font dans Numance nos fiers ennemis, Scipion. Attache quelque échelle à la muraille et accomplis ton dessein. Caius Marius, apportez-moi une échelle. Et toi, Hermilio, dis qu'on me donne un casque et mon bouclier. Je perdrai la vie ou je dissiperai ce doute. Et là, il n'y a plus du tout aucun ordre ni aucun cérémonial. À ce moment-là, Hermilio rapporte le casque et le bouclier. Et tandis qu'on habille Caius Marius, recommandez-moi à Jupiter. On dispose l'échelle. Tout le monde approche. Marius commence à monter l'échelle. Lève davantage ton bouclier, Caius Marius. Revois-toi le corps et la tête. Courage, te voilà sur le sommet. Que vois-tu? Caius Marius en haut de l'échelle. Dieu sacré! J'aperçois un lac de sang et des milliers de corps étendus dans les rues immenses. Scipion, y a-t-il personne qui vive? Caius Marius, je n'en crois pas. Aucun ne s'offre à ma vue. Scipion. Mais saute! Examine tout avec attention. Jugurta, suis-le. Allez, nous les suivons tous. Jugurta, non, cette entreprise ne convient pas à ton rang. Calme-toi et attends que Caius Marius et moi revenions pour t'instruire de ce qui se passe dans la ville. Tenez bien cette échelle. Mon juste Dieu, quel horrible spectacle! Le sang fume, les rues et les places sont jonchées de cadavres. Scipion, qu'il m'en reste un seul vivant pour que Rome me décerne le triomphe pour avoir dompté cette superbe ennemie. Caius Marius revenant de la ville. Nos espérances de victoire ne sont plus que poussière et fumée. Nos projets ont été vains puisque leur désespoir a été plus fort que la puissance romaine. Leur audace et leur noblesse ont brisé les chaînes de l'esclavage. Jugurthien revient à son tour. C'est en vain, sage général, que tu emploies ici ta valeur. Porte ailleurs ton habileté sans égale. Il n'a plus rien à faire à Numance. Ils redescendent dégoûtés. Scipion, mais un seul, qui s'engagerait à se livrer vivant. Et tout d'un coup, du haut de la tour, au loin, on voit Viriato, qui se dresse. Que cherchez-vous, Romain? Si vous voulez entrer dans Numance, vous le pouvez sans difficulté. Sachez cependant que j'ai les clés de cette ville morte. Scipion, avec un espoir, court au pied de la tour. Jeune homme, c'est pour cela que je viens vers toi, afin que tu saches combien mon cœur renferme de pitié. Viriato, cruel, tu montres trop tard ta clémence, puisque personne n'est plus là pour en profiter, et que moi-même je veux subir toute la rigueur de ton arrêt. Figure-toi, mais tu es assez insensé pour ne pas apprécier ta belle jeunesse. Scipion, tempère ton ardeur, jeune homme, et soumets ton courage à ma puissance. Dès ce moment, je t'engage ma foi, et je te donne ma parole, que tu seras ton seul maître. Je te ferai de riches présents, si tu veux te donner à moi de bon gré. Yayato, toute la fureur de ceux qui sont morts parmi ce peuple réduit en poussière, toute leur obstination à refuser de se rendre, est passée en moi. J'ai hérité tout le courage de Numance. Voici ce n'est pas une folie de vouloir me vaincre. Chère patrie, peuple malheureux, ne crois pas que j'oublie ce que te doit celui que tu as engendré, ni que les promesses ou la crainte puissent agir sur moi. Que la terre me manque, ou le ciel, ou la destinée, que le monde entier aspire à me vaincre, je paierai ma dette à ton courage. Si la peur m'a fait chercher un asile dans cette tour, contre une mort effroyable et prochaine, je serai plus courageux à présent, et résigné à suivre ton sort. Voyons qu'on on approche une échelle. Romain, n'essayez pas de franchir ce mur. Votre pouvoir serait-il plus grand, vous ne parviendriez pas à me vaincre. Si j'ai tendrement et purement aimé ma patrie, je le prouve en mourant ainsi. Hop, il se jette par-dessus la tour, mime la descente grâce à un éclairage. Bam, éclairage, tout le monde se précipite, fait le rond. Il n'y a plus qu'un petit paquet, c'est le petit Viriato. Dès qu'il est à terre, tout autour de lui, Scipion. Action inouïe. Digne du cœur vaillant d'un homme. Tu illustreras non seulement Numance, mais l'Espagne. Avec cette vertu héroïque, étrange, mon droit est mort et perdu. Et toi, avec cette chute, tu élèves ta renommée et tu abaisses mes victoires. Puisses-tu revenir à la vie et Numance se relever. Je serai satisfait, car toi seul as gagné cette grande et illustre bataille. Il le prend dans ses bras. Sois fier, enfant, de la gloire que le ciel te prépare. Par cette chute, tu as vaincu le vainqueur, tombé plus bas que toi. Il va déposer le corps près de son socle. Tous les gens se rangent, la lumière devient éclatante et entre la renommée. Que ma voix sonore retentisse de nation en nation et emplisse les cœurs du désir d'éterniser un tel haut fait. Romain, honorez ce corps qui a pu, malgré son jeune âge, vous arracher un triomphe aussi éclatant. Moi, la renommée qui proclame, je ferai en sorte, tant que le ciel éclaircira cette terre, de publier dans mon vol rapide la valeur de Numance, unique d'un pôle à l'autre. Cet exploit inouï annonce que dans les siècles futurs, seront les enfants de la forte Espagne, dignes héritiers de leur père. Mais puisque ma mémoire se charge de ce soin, donnons une heureuse fin à notre histoire. Et le rideau. La radiodiffusion française vous a présenté une émission publique du Club d'essai, Lectures à une voix, une production de Michel Polac. Aujourd'hui au Théâtre Marigny, lecture de Numance de Cervantes par Jean-Louis Barrault. Avec le concours à la batterie de Jacques Delescluze, à la trompette de Guy Carrière et du guitariste Yana Rondolotto. Arrangement musical de Pierre Boulez.